Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est le moment de la leçon de breton, Interbrezonek, avec Eri Lenaou. Eri Kentel, Peran, Tri, à Perugen, 483. 483. Et alors, on va commencer par un mot. Alors, des fois, j'avais dit que j'aimais bien les mots courts. On peut pas faire plus court. C'est le mot qui désigne l'œuf en breton. Alors, il y a plusieurs prononciations possibles. Ça s'écrit vi ou ui. Et ici, dans le Kreis Breizh, on prononce u. Ah oui, ah bah ça va pas être facile ça. ONU. U, un œuf. ONU. ONU, oui. ONU. Comme l'ONU, oui. Oui, parce qu'en plus, l'article, on dit ON, quoi. ONU, hein, un œuf. Alors, c'est un mot très courant hein, dans la conversation. Hein. Bon, qui avait une grande importance, bien sûr, autrefois, hein, et même encore aujourd'hui, hein. Donc, l'œuf, c'est un symbole essentiel et c'est une richesse hein, dans la société rurale, puisque c'était ce qui procurait souvent de l'argent liquide. Les femmes allaient au marché vendre des œufs, hein, et donc ça permettait d'avoir un petit peu d'argent liquide. C'était l'argent des femmes même. Alors, c'était l'argent des femmes, oui. Et pour ça, il y a une petite chanson de « Dissul mi wapin vidi, pe moi prene do yarik ». Hein, donc la petite poule, hein, la poule. Hein, dans toutes les fermes, il y avait des poules, et même chez les particuliers. Hein, chacun avait au moins quelques poules qui couraient dans le bourg, là, ici, par exemple. Voilà. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'expressions avec « uo », hein, par exemple, « uo frittet hein, ».« Uo frittet », c'est l'omelette. Ah non, c'est l'omelette, hein. Des œufs frits, quoi. Il y a une chanson qui dit Pé frites en onde douce, nio, et n'y vais des gamis médaux. Quand je fais une omelette de 12 œufs, il y en a 10 pour lui et 2 pour moi. C'est une chanson qui raconte les malheurs d'une femme mal mariée, quoi. Et entre autres, en ce qui concerne les œufs, quoi. Ouais, 2, c'est assez quand même. Hein, hein? Oui, mais 10, c'est trop. Ah, oui. Voilà. Alors, uo poise, hein, des œufs cuits, uo calade, hein. Voilà. Alors, une expression aussi, les uo pasque. On ne sait pas tout à fait le moment, mais hein, les œufs de Pâques, hein, qui sont un symbole. Hein. C'était le symbole de la fête de Pâques. C'est toujours, d'ailleurs, on fait encore des chasses aux œufs maintenant, mais c'est pas tout à fait les mêmes. On peint les œufs aussi encore à Pâques. On peint les œufs aussi, oui. Voilà. L'œuf, bien sûr, c'est le départ de beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, hein, on dit tu es dans l'œuf. Voilà. Alors, chaque œuf, s'il est fécondé, donne naissance à un poussin. Hein, un poussin qu'on dit au neunbin ou au lapousbin. En breton, c'est les mêmes mots que pour les oiseaux. Voilà. Il y a une chanson assez amusante. Mi-moi la que me yaringor, qui dit, c'est te gudez, y-moi la que, triver la pousse, ne zavet. Donc, je lui avais mis 17 œufs à couver, et elle a levé 18 poussins, quoi. Donc, il y avait un œuf qui en contenait 2, quoi. Alors, ma grand-mère disait toujours qu'il fallait mettre un nombre impair sous la poule. Je sais pas pourquoi. Ouais. Jamais un nombre pair. Oui, bah là, c'était un nombre impair, hein, c'était 17. Et du coup, il y avait eu 18 poussins qui étaient levés, quoi. Alors, d'où l'importance, hein, l'importance du hoc, j'allais dire en breton, du coq. Hein. Oui. Chez nous, alors, il y a plusieurs façons de dire le coq aussi. Un hiloc, hein. Mais ici, on dit un hoc. Hein. Le hoc ou arnilis, hein, le coq de l'église, par exemple. Voilà. Alors, donc c'est le géniteur, donc évidemment, il a de l'importance dans les traditions rurales. Voilà. Alors l'œuf, c'est quelque chose de très important hein, dans toutes les civilisations rurales comme ça. Alors, il y a toujours l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. Qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? Donc, Et c'est un symbole d'abondance. D'ailleurs, en français, il y a une expression qui est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Alors l'œuf a une caractéristique aussi, c'est que l'unité de compte, c'est la douzaine. Un douzenu, ou nantor douzena. Et ça vient de très très loin. Hein. On n'aurait pas l'idée de vendre les œufs à la dizaine, par exemple. Hein. C'est toujours la douzaine. Et ça, c'est resté. Hein. Un douzenu, ouais. Voilà. Alors quelques... oui, j'avais noté ici la poule aux œufs d'or. Ça, c'est toute une tradition aussi, hein, qui montre bien l'importance de l'œuf dans l'économie traditionnelle. Alors, un ovipare, ça se dit les animaux qui sont ovipares, dozver uo, hein, donc qui pond des œufs, hein, parce que pondre, c'est doin. Hein. Alors, il y a un ZW au milieu, mais nous, ici, on dit doin, tout simplement. Un hein, do, d-e-n-u. Et couvé, c'est gorin. Hein. D'où la chanson, hein. Banonenezen Kreiser Moor, tralala. Banonenezen Kreiser Moor. Banonenezen Kreiser Moor, mais moi, la canne me yarin gore. C'est celle-là à qui on avait mis 17 œufs, qui a donné 18 poussins, quoi. Et il y a aussi la chanson, alors, parce que les œufs, là, on a parlé des œufs de poule, mais il y a les œufs des différents oiseaux, hein. Et bien sûr, une des grandes, distraction des gamins autrefois, c'était d'aller dénicher les oiseaux et de faire des collections d'œufs. Hein. On a tous fait ça quand on était gosses, enfin les gens de mon âge, hein, ça s'est perdu heureusement par la suite. Hein. Il y a le coucou aussi. Voilà, il y a le coucou, quoi. Oui. Le coucou, oui. Alors, Pessa du Opescave, Pessa Peut, tu sais, cette chanson-là. Onan rue, onan gwen, agonez, loinan. Voilà. Donc, oui, il y a les yeux de coucou. Je n'avais pas pensé à ça. Le coucou qui va pondre chez les autres. Voilà. Ben, on a fait un petit peu le tour sur les œufs, ou à renu. Et puis, quand ce sera pas, qu'on fera des omelettes. Voilà. Donc, onu et onu yo. Onu yo, bien. On passe à la seconde partie. On arrête là sur l'œuf. Avec Gary Warvue, c'est Brison Acteur Matam qui arrive. C'est un dialogue qu'on retrouve dans Brison Acteur Matam aujourd'hui, Henri, et on va parler. Job Nédélec, donc. Qui va nous parler de la veillée de la Sainte-Cécile. Salut Job, manager. Ja, matri, chani, gaganar. Matri, je. Mais l'aridin, klevet meus e oa bet un deel, ur veillade bazan toluk. Ja, ur veillade pe ur filage, ma peswan, bepla ve gretze, en eo ar nugen, deus mis du, vid gwell Sainte-Cécilia, hag sur ve plijad ur kakalz du deve. Kalz du te zo bet. Ja, war dro perugen zo bet. Zon eurien ewa? Ja, zon erien, konterien, kanerien, regoz ar e yaouang, bep sort trao zo beklevet, kontadenu, kanoenu, zon er eus gant un dreugen gol, gant un delen, hag bwesten diaoun mamez. Hag evit e chui, oa ur bant ar gwintom, pe ur bant ar dourazen de bepini, ben hantar nonz oa e chui un trao, me plijad ur oa bet, à content loin de dut. On reprend ce dialogue phrase à phrase. Oui. Salut Job, madageux, demande Chanik. Oui, salut Job, comment ça va? Matri Chanik, Aganar. Très bien Chanik, et avec vous? Matri, yé, met l'aridine, clévet meus et wabed un déel, or veillade, bazan toluk. Oui, j'ai entendu qu'il y avait eu l'autre jour, or veillade, c'est-à-dire une veillée, à zan toluk. Il y a un veillade et un filage, ma peseron. Oui, il y a une veillée ou un filage. Hein, c'est un mot qu'on employait aussi pour autrefois pour parler des veillées. Ça revient d'ailleurs, on en parle un peu. Bepla vegretze, un eva nugen de Smisdu, et vite Guelzan de Cecilia. Oui, alors chaque année on fait ça le 22 novembre pour la Sainte Cécile. Sainte Cécile qui est la patronne des musiciens, vierge et martyre. À l'époque, à la fin de l'Empire romain. C'était la femme de Valérien, et elle était vierge quand même, et de Tiburce. Les deux, d'ailleurs, son frère, c'était la sœur de Tiburce, et son mari et son frère ont également été martyrs. C'était pas très marrant comme époque. Mais enfin, elle a quand même été proclamée au XVe siècle. Elle a été proclamée patronne des musiciens parce qu'elle chantait très bien, paraît-il. Et pendant longtemps, ça a été vraiment la fête de la musique avant que Jacques Lang n'invente la celle du mois de juin. Mais la première fête de la musique, c'était la Sainte-Cécile. Et il y a un très beau cantique à Sainte-Cécile qui avait été composé par Joseph Serrandour, qui dit que la musique est l'âme de la vie et l'âme de la terre. Et bon, Serrandour qui était à l'époque vicaire à Bourbriac, et c'est sur l'air des Tolénous. Voilà. Alors, Chanik reprend. Quels du te zobet? Oui, il y a eu beaucoup de monde. Ya, war au père Huguen dut à Wadut. Oui, il y a eu environ 80 personnes. Zonerien, ewa? Oui, il y avait des sonneurs. Ya, zonerien, kanerien, kanterien, regoz a reoank. Oui, alors il y avait des sonneurs, des chanteurs, des conteurs, des jeunes et des vieux. Enfin, des vieux et des jeunes, plutôt, dans ce sens-là. Bep sort trao a zo beklevet, kontadenu, kanaouenu, zonerez, kanantre jeune gaul, an delen. Oui, alors on a entendu toutes sortes de choses, hein. Des contes, des chansons, de la musique avec la clarinette, andre jeune gaul, hein. La harpe, an delen. Bignou, bombarde, bouestan diaoul. Et bouestan diaoul, l'accordéon. Hag evite chue e war bor gwintom, peor bor dourazen da pepain. Oui, alors, et pour terminer, il y avait un coup de vin chaud ou une tisane, hein, une dourazen. Hein. C'est pas de la pisdane, mais c'est de l'eau d'âne. C'est de l'eau d'âne. Au bord dourazen de Bépini. Hein. Je sais plus où j'avais trouvé ce mot-là, j'avais trouvé ça sympa. Dourazen. Je crois que c'est dans Martial Ménard, dans un article de Martial Ménard. J'avais trouvé ça pas mal, dourazen. Ben Antonio, c'est où est-ce que tu as baden? Bon, pour minuit, tout était terminé, quoi. Mais de plijadur ou à bête, à content des wandut. Mais il y avait eu du plaisir et les gens étaient contents. Eh bien, on en reste là, Henri. Ben voilà. On passe à Petrazone et Vervo. Thank you. troisième partie de Inter Brezhoneck. Eri, Petras on est vervron. Ben, calze droit ou hervejdi ou zon, hervejdi ou zon, bénéfi ne oa que begred, or gros pétrasonné vervro, blanc de gualzar voud ou a warvez et baparis, un dérog ou a gred en abaden, a se tu oa que begred, a gros, ou a belaket zonderes. Guire et spontus peso tramene d'un déel baparis, gand un lahad de didrui, chomera nen bohemet, ag mut, hein, directiem de Fulster, ag gassoni, ag jiwaz uroar vo hir brezel neve, brezel ba mo neveze, rog vo echu en trau. Hat grog om mamestra, kan on abaden. Tostaram bremañ de ze gwan, en diskaram zo rezo be kloa, med bremañ om tostat de ze gwan, ag nam zo rezo de te ginat. A prestigne vam ba mar e nazvent, un asven et un amzer ve rog ni de lega. Bon, a prenstig vem ba un asven a waler tam a tam de ne de lega, a de ne tient tam blan. Wardach an la bourdouar hag vu e war ar mez, benefin ar vejman an arin ke kal se dra, a krog go ganze ar vejel. De rien tan zul, de ze mis tier zu, zuroar, vo ur vot adegou evit dibab kus ul er yen ur andro. Kam a trezen vefe bet nul et se oa ranken, met zur oa mem bestra vo der hat gant ur vot adegou. Hag e brei zammeuz o vel meuzlar ed ur vegel deja, zo on eglisten war ur rank, hag an se zo kal ze dud a zo kaz mont war gador yo. Met ne ke plaz vitet tout. Bon. Pe oan an kamz de ze listen ou zo war ur rank, l'énorant noir à gazette et nous, pis je vais scrive et gante, pis je vais l'art et gante, voir d'achin zivina du rond bro. Ag zoué zizoir et pis je vais clève, pis je vais l'énet. Noiran que plarement, jacobine tchine et l'aigle de gu aux yorois, puis on ne s'que mettu tchine, au tivin en braisonne, presse d'or au seis possible, et vite chom fait bé, heuriez. Ag bon, clairement, aide Jacobine, Edouard Marément, de voir en que. Mais j'y ou ascustumoir et un dude de glaive sorte, comme joue PV, politiquer, you know, au Cambali. Virion, on est même strop, et Waller, votre adégou, vos gueules de Jacobine, au ton de Wahis, à tapou de Urgalout, à Gariel, réseau Tivener, Zévena du Revro, vos casses de Lussat, puis de strac albur lui war armen et puis l'RL 10 avec compte Jules Tol bon à gezoir vos mameuse mot à ba pepstrol a devel juste zo jacobine da aris manala rankement mais de mar et mon taiwa his prestig bon de change tache en bromen mon noir en dachenel de noné gevis du wabed inor bakerien fonchur moel un dinze ou a gant de batterien, ur bla mil no han seiz war nugen, hag zavet batterien, hag ba bla onan a hantor kant, ou a et ba polis, ba paris, a neus gret tout di garrier an ba polis, a bede, ba pen ur strola din ab den terroriste, se tu are, deja ou a terroriste de houlse, hag bon, on den a oa istimet gant un ol. Barzer bla seiz a perugen, ouais, doit y lever, à l'arrêt des bénévaisseaux, quand on a un à Paris. Puis, on a un à Paris, pas d'y lever. À que, bon, calze d'une, se bête en ave de Franchemouel, à que, bon, estime en mode. Tosta de Rhum, puis, il change, compte droit en Ovich. Tosta de Rhum de Zerbla, d'Auville-Huezac. A babla d'auvil huezeg vo lid de babro iwerzon, kant vet de abla en dispar pudur vit gwell pask mil no ran huezeg, grog as bro iwerzon de non zevel evit hatkav ou divrankis. Hag pat seis la oa bet sturm, vit rog oa bet di eubet bro iwerzon. Me me mestra oa chomet iwerzon en anternons pez velar den Ulster, ba impal a rez breizveur. Hag an dea blaze, vo lid de ive breiz am, da skwer ba gwenet vo gret ur hendivis, pur holog ma karet, vel velar din galak, war daschen levezon broiwerzon war breiz. Gurez o kalz dar an pred outre en di ouvro. A ginor e devo iwerzon, ba salonz lever e o karez, ba benebla. A vid un debunad xan patrik zo en vo en de nugen viz meurs ba Dublin, vo pedet bagat gwenet. Pelar an bat, nik bagat gwen gam, bagat gwenet. Bon, ba fin mizman grog o ba Paris ur hop, onan war nugen, pez velard COP 21 e galak, evit klas kon em glev tre tos de dauhan stad, dauhan bro, ma peus oan, war dachen skeul amzer. Pier lima vel velard e galak. As pi meus me mesra, ye yon tam en tro war rog war an dachen ze, med zo war vo diez kalez en en er an zo kri, pe bler war ar bet. Ba bla eis a perugen, oa bet kroue de breiz ur strola, evit studian e londe de bronnek, pe brondeget ve velard, pe se velard an de galag mamifer. Hag zo strola ze zo handvet GMB, groupe mammologique breton, a war dro tri handen zo ezel de ze gevridig ez a kalz dro ve gret gantet a skoer oa lansen hen kidour tre naun da Brest, hag bon studi oa beb sortrao. Hag boe dao vildeg oanyo laburat vidober lever meur war dachen ur bronneget e galak atlas des mammifères de Bretagne. Hag lever zeus o bedim ban an evesso, a war dro tri mil den an eus ro an tol ziko, evit ober un draze. Hag kavet ve komz deus tri ugen lon deus bronneget, hein? Veka de breiz vel hidour, lern, louzet, bon, pi brochet vel ar bror, ya, an me vel ar de louz, a kalz de londe del. Hag imban adeg an en inan banna dur locus solus. Goudret petareze, Dan? Ben, ya. Ya. Ben. Lieu unique. Ya, just mad, ya. Hag bon, koustora no euro war nugen. Bon, war an dachen, on tam war ma mes dachen, an de gomz deus ur Gwenland, kalze guden ouzo, gant ur Gwenland, o ma rezo, deus ke kalbezo, wa begred ba kala, gant emvo juzma, war guden ou ur Gwenland, hag zo bekle gomz deus war RKB, hag ba en zeusa, zo o wen ispisial deus ur Gwenland, de ce napis mellifera et velvela et quand ce qu'on tourne ag renso gwenand du ag pembla warnugenzo zo bezave d'ostrola des vite diwal de ce gwenand du broesa a casse ve vraiment où on est de zéro a wenzo on tombe pebler bro europa pv comes de ce et puis on comes de ce et de ça son gère du stube à Hollandais, là, que son sort, Arwes vide, yen eusa, yen David. Bah, yen eusa, zo David, vraiment, ben, ik ma mezwen, de ce que tchin de ze wen orin, dans la radé, David bien, ag, gander, rousse, mais de, calze blasa ou une bécasset, a setu, zo, vekave, de se un tombe pebler. Hag d'oeugen lasso oa bezave d'ostrolat hag zo hangle de GMO gale groupement des éleveurs de moutons d'ouessant. Bon, d'om d'oan tam war d'achen de zévenadur. Girard Puil zo oa kazetener ba ze gazet en l'humanité a bremañ oa i leve a man skrivania an eus gret o lever just mad oar war a skeul amzer hag un darempred outre un ekologiez hag un ekonomiez. Displeg an rap e sur mod ve fe moyen de brodu i bouet a dant vezioù gant neptor gant kadou jan de ze natur. Levers zo handvet Paris Climat 2015 l'ekologie peut encore sauver l'économie. Hag zuroare o lever bouez. Ya, fin du, change à le rendre, bah, Bandin, ze plus dur, hein, so, dre vreg, yen derdin. En un temps prudir, c'est évident. Un archéologue, gour, Barry Kunlife, Jonge Laurent dit ce vais distinguer son din de deux braiseur à deux grade au lever juste bat war yaudet war yaudet puis dur yaudet au l'air meur vite archéologie hein Jonge Laurent derma ba puis content de zen yaudet Jonge en ba j'en dis rien ni au grade d'organowen mis au deux yaudet ta leur chapelle du hon un bro vartelode de bigrier d'allion Levers au Handvet, le Yodé, archéologie d'une agglomération. À Gimbanedé, grande presse universitaire Roazon, à Coustera, Huerero Warnugen. Neveso, grande Downin, Yann Riou à Christian Fagons, au Bédgrède au Lever, ou à Brezon de Guénessun. À Guénessun, Bones ou à Brezon de Guispici à Lontemp, à Guévegrède, à Bredon de Guédessan. On peut dire, les Sunes, ils impliquent d'aller en D, à place Z. Que sais-tu, un grade au lever, trésor du breton de l'île de Saint. Brezon de Gué, Bredon de Gardière, un trésor. Que Jean Gelran, lever de Vaucov, calze Draou. Bon, sais-tu, même grade, on tombe trop, voir toute pessonnée, mais bavro. Que l'arme d'art, Kenavo, Chiloé, Arne et Kabé, Kenavo d'art Morgan. Kenoiri.